Je circule avec les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C.